Allô, bonsoir Alice. Allô, bonsoir Alice. Allô Sophie? Oui, bonsoir Alice, j'entends ta voix. Comment Bonsoir. vas-tu? Très bien, merci. Et toi, prête pour ce 10e live de Beauté Imaginée? Bien sûr, prête. Oui, tout à fait. Merci à toi Alice de me recevoir. Bah, Je suis avec ravie plaisir. d'échanger avec toi. Également, je vais commencer mon introduction le temps que nos premiers auditeurs nous rejoignent pour notre Mais oui, rendez-vous j'ai de vu ce qu'il y avait plus d'une soir. centaine d'inscrits, bravo. Ah oui, alors on verra. Qui est là ce soir? Il y a beaucoup aussi d'écoute en rediffusion. J'ai remarqué, c'est souvent les gens ont l'air de regarder ensuite les thèmes peut-être qui les intéressent une fois les lives passés. J'espère qu'on aura des commentaires, notamment de la participation sur le quiz vrai-faux, parce que ça, c'est toujours sympa d'avoir Très bien, parfait, enfin, des parfait. gens qui participent, quoi. Alors, chers Exactement. auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. D'ailleurs, si ça vous dit d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Et ce soir, c'est mon 10e live de Beauté Imaginée. Pour ce numéro symbolique, je reçois pour la première fois une auditrice qui m'a contactée par Instagram. Donc, Sophie, merci beaucoup de ta Ben, démarche. avec plaisir, avec Tu es plaisir. la première. Et donc, C'est on va vrai. parler. Oui, tout à fait. On va parler ensemble de la beauté dans le cadre d'un trouble de la thyroïde ce soir. On Exactement, va rappeler un petit l'hypothyroïdie. peu. Oui, tout à En fait. l'occurrence, tout à fait. Et donc, petite explication à nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas. La thyroïde, c'est une glande qu'on a tous en bas du cou et qui sécrète des hormones. Et Exactement. donc, quand notre taux d'hormones est trop élevé, on parle d'hyperthyroïdie. Et quand il est trop bas à l'inverse, on va parler d'hypothyroïdie. Donc, c'est plus de cet aspect-là qu'on va parler ensemble. Tout à fait, voilà. L'hypothyroïdie touche plus particulièrement les femmes, D'accord. alors que l'hyperthyroïdie va plus toucher la gente masculine. Donc, ça crée des troubles, D'accord. bien sûr, et des symptômes divers et variés, et notamment une hypersensibilité, on va dire, à l'odorat, D'accord. à tous les produits que tu peux t'appliquer sur le corps, la peau. Et c'est pour ça que je me suis permise de te contacter justement, et je ne sais pas si tu veux aborder ce sujet, parce que bah, Oui. c'est une vraie croix, évidemment, pour faire ces soins Oui. corporels pour les, voilà, les personnes, les femmes qui sont affectées par cette pathologie. Ah oui, il faut une grande vigilance en fait de toutes les formulations, Exactement, etc. ouais, Bah, tout à fait. on va notamment lors du vrai-faux, on va s'intéresser aux perturbateurs endocriniens puisque ça, c'est tout à fait dans notre thème. Je te propose de commencer d'abord par la rubrique sur tes habitudes beauté, Oui, si ça tout te à dit. fait, Ah, je vois qu'on exactement, a bien sûr. une petite intervention de Petite Louis. Salut question. Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Louis. Louis, merci d'être là. Alors, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, Sophie, à consulter pour ton hypothyroïdie? Un peu le hasard, des symptômes assez violents qui sont apparus chez D'accord. moi en août 2016, puisque je souffrais de troubles alimentaires depuis très longtemps, sans savoir que j'avais une intolérance au gluten. D'accord. Et donc j'ai eu des crises terribles, des douleurs de ventre atroces. Ah oui. Voilà, et j'ai été diagnostiquée bien sûr des mois après, mais en Hein? fin de compte, on s'est aperçu que tous ces symptômes que j'avais depuis des années, en fin de compte, Était était lié. dû exactement. Donc ça fait, je souffrais depuis toujours de ça. Donc j'ai eu une très très très grande errance médicale, Ah malheureusement, oui. de très nombreuses opérations, alors qu'en fait, on va dire, c'était juste la D'accord. thyroïde. D'accord. Et Donc oui, parce que finalement, l'intolérance au gluten a été le premier indice, du coup. oui, tout à fait, bien sûr. D'accord. Parce que Et ça voilà, ça s'est remontait. fait violemment et ça remontait à très longtemps parce que toutes les personnes, toutes les femmes principalement qui souffrent d'hypothyroïdie, eh bien, n'ont pas du tout les mêmes symptômes. Beaucoup de symptômes ne sont pas connus D'accord. du monde médical. Hein. Si par exemple, eh bien, toi, tu souffrais de l'hypothyroïdie, tu n'aurais pas du tout les mêmes symptômes que moi. Et D'accord, c'est toute la ouais. complexité. Ah Ah oui, ouais, c'est ok. toute la complexité d'être dépistée. Alors aujourd'hui, pourquoi on en parle plus? Ben, on en a beaucoup parlé avec l'affaire du Lévothyrox, puisque moi j'ai fait partie des victimes de la nouvelle formule du Lévothyrox. Et merci à Annie D'accord. Dupéret, évidemment, artiste reconnue, qui malheureusement souffre de cette maladie aussi et D'accord. qui a parlé la première avec Valérie D'Amido aussi, hein, c'est les deux femmes artistes qui Ah. se sont manifestées et qui ont Personnages publics qui ont pu interpellé, un peu mettre la voilà, lumière. les personnes D'accord. publiques qui ont mis la lumière, heureusement, hein, puisque les troubles s'étaient aggravés. Je ne savais pas du tout que c'était en plus le médicament, le D'accord. C'est un Lévothyrox. médicament que tu prenais donc Tout pour à fait, contrer alors. quel symptôme alors? Alors, en fait, si tu veux, bah, quand tu souffres d'hypothyroïdie, on te donne ce médicament qui va te bloquer complètement la thyroïde et qui remplace la thyroïde, et ça te crée bien sûr d'autres troubles, D'accord. d'autres symptômes dont on ne parle pas beaucoup, parce que pareil, ça te crée des troubles psychiques assez graves, hein, puisque je ne me souvenais même plus de mon Ah. nom ni de mon adresse. Oh, d'accord. Ah oui, à ce Ah point-là. Oh là oui, là. ah oui, Et non, non. pendant combien de temps alors tu as souffert de ces symptômes associés? Ah bah, j'ai dû l'arrêter, le Oui. médicament, mais on te dit qu'évidemment, tu n'as pas le droit de l'arrêter du jour au lendemain. Donc, je l'ai arrêté D'accord. contre avis médical parce que je suis D'accord. restée 4 mois et demi couchée dans mon lit à hurler la mort. Ah là là, d'accord. Ça a été vraiment terrible, hein. Donc, c'est vrai que c'est un vrai Ah parcours. ouais. Ça crée beaucoup de problèmes. Tu peux plus te laver les dents, tu peux plus te laver, tu peux plus. Enfin, c'est épouvantable, hein. D'accord. Donc, on a vécu bah, tout un peu, je dirais. C'est pour ça qu'il y a eu des associations, il y a eu le procès du Lévothyrox. Je suis même allée à l'étranger pour chercher le médicament. On m'a porté. Enfin, j'ai vécu vraiment un D'accord. enfer. Oui, Alors je maintenant, vois. j'ai réussi à trouver bien sûr un autre traitement par d'autres médecins, parce que la D'accord. problématique, évidemment, c'est lorsque tu ne peux pas prendre ce traitement. Il faut savoir quand même qu'il y a énormément de patientes, donc de femmes qui ne peuvent pas faire ce traitement, et bien tu es vécu comme une paria et les médecins ne veulent plus te consulter. Donc D'accord, parce qu'on a peu d'alternatives aujourd'hui. exactement, tu n'as aucune alternative reconnue dans le milieu médical à part ce Lévothyrox, à part ce médicament. Et tous les autres traitements, les palliatifs qui marchent très très bien, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a d'autres traitements qui fonctionnent parfaitement bien, avec des résultats qui sont prouvés par les prises de sang, hein, fonctionnent très très bien, mais malheureusement, ce n'est pas reconnu par le milieu médical, hein. Ils voient tous par le Lévothyrox, c'est très facile à prendre. Mais bien sûr, évidemment, ça va créer d'autres troubles qui sont mal D'accord. connus, méconnus, et que le monde médical surtout ne veut pas reconnaître parce que c'est plus pratique pour eux aussi, il faut bien l'avouer, de donner ce traitement-là. D'accord. Et peut-être que sur la masse, ça a quand même des effets Oui, positifs. alors 90% des patients tolèrent ce nouveau traitement. Il faut savoir que la nouvelle formule a été créée justement notamment pour les patients asiatiques. Qui ne tolèrent pas D'accord. du tout le lactose, hein, qui ont des problèmes d'absorption de lactose, puisqu'il y a du lactose qui est un excipient du médicament pour faire l'amalgame et pour que le médicament puisse être fabriqué. Et cette population ne supportait pas ça. Donc, au lieu de créer deux médicaments, on va dire, le Lévothyrox, ancienne formule pour les patients qui le prenaient depuis toujours, et un nouveau Lévothyrox pour les personnes asiatique, eh bien, le laboratoire a changé tout, ce qui est dramatique puisque évidemment la thyroïde est tellement sensible à tout que dès qu'on change la moindre chose, évidemment, tu le vois, et c'est une D'accord. révolution, c'est un tsunami qui t'arrive, voilà. Et la pente est D'accord. très très difficile à remonter ensuite. Et Donc du coup, comment tu fais aujourd'hui justement? Tu m'avais évoqué voilà l'hygiène de vie notamment. oui, tout Comment à tu fait. t'organises toi au quotidien? Alors moi, au quotidien, je suis soignée en oligothérapie. Donc ça D'accord. m'avait été proposé par mon médecin traitant. Mais en France, évidemment, les dosages sont très très forts. Donc il a fallu adapter les doses, hein. Donc j'ai mis plusieurs années à pouvoir prendre ma dose. Donc aujourd'hui, je suis suivie en D'accord. oligothérapie avec un médecin traitant qui est d'ailleurs sur la région D'accord. valencienne. Je fais beaucoup de routes pour aller le voir, hein. D'accord, Je ah quitte oui. Paris une fois par mois pour aller pour faire mes soins là-haut. Et je suis suivie par la pharmacie centrale du laboratoire, les laboratoires Gragnon, qui sont les leaders au D'accord. monde de ce traitement. Et du coup, eh bien, j'ai deux traitements, donc une ampoule d'iode le matin une ampoule de sélénium le soir, et du coup, ça fonctionne évidemment très très bien. D'accord. Voilà, D'accord. donc Donc ça fait là, partie tu as de ce trouvé un rythme. certain équilibre. Voilà. Exactement, exactement. D'accord. Ouais, tout à fait. Avec de la vitamine D, puisque c'est la Oui. vitamine B qui te régule aussi la thyroïde, hein, qui aide la régulation de la thyroïde. On en parle beaucoup, évidemment, avec les problèmes qu'on a eus avec le confinement, puisque, Ah oui. évidemment, on a eu plusieurs confinements, reconfinements, déconfinements, et notamment l'année dernière, on a été confinés à la période où il faisait le plus beau temps et on pouvait ne pas profiter d'avoir la vitamine D. Donc c'est catastrophique aussi aujourd'hui pour certaines personnes qui sont vraiment pas bien du tout, qui ont des troubles dus au manque de D'accord. vitamine D. Donc il D'accord. faut supplémenter aussi la vitamine D. Donc il faut vraiment se Oui. suivre par Et une ça, oui, c'est vrai que vitamine c'est D assez général quotidienne. comme conseil pour toute la population, oui, en Exactement. général, d'en Exactement. consommer. Et ça crée Et énormément de troubles, justement, de ne pas avoir une vitamine D conséquente pour la d'accord. thyroïde aussi. D'accord. Et au niveau du coup, au niveau des effets que tu as pu constater, comme on s'intéresse beaucoup dans Beauté Imaginée à la peau notamment, est-ce que l'hypothyroïdie a eu des effets de ton côté? Alors non, pas spécifiquement. Et avec la prise d'iode, eh ben, tu as une très très belle chevelure. D'accord. Donc c'est pareil, quand il y a un manque d'iode, bah, tu le sais, avant les grand-mères, elles mettaient toujours une goutte d'iode dans le biberon. Hein, ça se faisait D'accord, non, beaucoup je ne pour savais pas. renforcer. Ben oui, on mettait une goutte ou deux gouttes dans le biberon des bébés. Hein, ça se faisait beaucoup, puisque l'iode, on le trouve dans le sel. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du sel iodé. C'est pour que les gens, D'accord, notamment, oui. n'aient pas des troubles. Notamment, c'est ce qu'on appelait les gens qui n'étaient pas normaux. Hein, avant, voilà, c'est parce qu'il y avait une déficience en iode. Donc, on a rajouté de l'iode dans le sel. Et là, du coup, eh bien, avec de l'iode, tu as des très beaux cheveux. Donc, tu ne perds plus tes cheveux. D'accord. Et donc, ça, c'est top. Et c'est vrai que la peau, bon, non, il y a l'hypothyroïdie, enfin, pour ma part, en tout cas. Non, non, tu n'as pas du tout de soucis de peau. D'accord. Et du coup, au niveau de ta routine beauté, tu dis que tu dois faire très attention à ce que tu appliques. Quelle est-elle aujourd'hui? Alors, moi, je me coupe les cheveux, par exemple, seule depuis plus de 30 ans, parce que j'ai fait toute une D'accord. liste, tu vois, j'ai préparé Oui. l'interview et j'étais en train, Oui. justement, de me remémorer tout ce que je fais. Donc, c'est vrai que, Oui. par exemple, j'ai acheté un démêloir pour les cheveux et le fait de D'accord. pouvoir bien démêler les cheveux, ça me permet, justement, de me les faire pousser. Et puis, je coupe juste les pointes une fois par mois et ça, depuis plus de 30 ans toute seule. D'accord. Donc ça fait partie de la routine. Je sais qu'à la fin de chaque mois, eh ben, je vais me couper les cheveux abîmés. Voilà. D'accord. Et oui, il faut que ce soit régulier, en fait, c'est ça, pour éviter les fourches, etc. Oui, voilà, exactement. Oui. Moi, je suis très très régulière là-dedans. Alors, j'utilise très très peu de produits, en fait. Tu vois, je t'ai fait la liste. J'utilise moi le masque Elsève de L'Oréal orange cheveux cassants. D'accord. Une fois Ouais. par semaine, du savon de Marseille, un peu de dentifrice, et puis D'accord. du shampoing fleur d'oranger de Monoprix. Donc, c'est vraiment des produits de base, tu D'accord. vois, qui me correspondent bien, simples, des choses vraiment très, très simples. Et tu vas essayer de pas surconsommer, comme on dit, en matière Ah non, non, cosmétique. bien sûr. Alors, bon, moi, j'ai, on va dire, un certain âge. Donc, bon, même si je suis dans la vie active, je suis plus du tout en plus dans un contexte professionnel où on est un peu surmaquillé, on va dire, hein, on a un peu cette D'accord. pression sociale, entre guillemets, de se maquiller, voilà, fond de teint, D'accord. poudre, voilà, j'ai travaillé des années hein, comme ça, mais Oui, et là, pas du aujourd'hui, tu tout, hein, peux... D'accord. voilà, aujourd'hui, Voilà, donc j'ai cette chance-là Prenez parce plus de qu'évidemment, naturel. voilà, avec l'hypothyroïdie, tu peux rien poser sur toi, hein, rien sur la peau, rien tout de suite, bah, ça donne des allergies, des brûlures, donc c'est très Ah compliqué. ouais, d'accord. Ah Tu vois, ouais, je peux ok. plus mettre de rouge à lèvres, je peux plus, même les produits qui sont Écocer, Cosmé Bio, etc. Oui, Hein, souvent, c'est t'as pire. testé déjà Ah plusieurs oui, marques, oh là là, etc. j'ai, oui, bien sûr, hein, j'ai des dizaines et des dizaines de produits, j'ai une dizaine par de dentifrice parce que justement, quand tu souffres d'hypothyroïdie, tu es obligé de rotationner tes produits. Hein, tu ne peux jamais utiliser deux fois le même produit dans la même journée. Hein, donc, j'ai toujours une trousse de toilette Ah qui est oui, un peu énorme quand je me d'accord. déplace parce que sinon, ça me crée tout de suite des allergies. Donc, D'accord, je il faut rotationne éviter. les produits. Ah oui, tu vas vite être sensibilisé aux Exactement, aux différents produits qu'il y a ingrédients. dedans. D'accord. Ouais, Ah oui, donc exactement. t'as plusieurs. Et par exemple, les dentifrices, tu en achètes combien différents alors? Oh, je dois en avoir une dizaine que je D'accord, pour être rotationne. sûr Donc, ouais, de quand je pars varier. en D'accord. déplacement, bah, je prends 4-5 dentifrices différents. D'accord. Ah oui, donc en effet, c'est toute une organisation et c'est ouais, un vrai sujet pour toi de Ah oui. choisir tes produits cosmétiques. Là, on le Exactement, voit oui. Ah bien. oui, on est en plein dedans là. C'est pour ça que Ouais, je t'ai c'est sollicité parce sûr. que je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est une gymnastique aussi, un peu Oui. différente parce que j'étais pas du tout dans ça, évidemment, avant que la maladie, on va dire, s'accélère. Hein. Moi, j'étais très fan, bon, des produits Yves Rocher, MAC, pareil, D'accord. hein, c'était simple, ou même à Monoprix, hein, ils ont. Des Oui. très bons produits, voilà. Donc j'avais toujours mon mascara, mon petit rouge à lèvres, un petit eyeliner, voilà. T'aimais Mais peut-être la j'ai toujours, variété aussi, oui. voilà, j'étais toujours simple. J'ai toujours été très simple dans le maquillage. J'ai jamais fait, D'accord. voilà, quelque chose de. Ah oui, d'accord. Non, donc plutôt des teintes assez sobres, etc. Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là que tu as été sensibilisée à tout ce qui est perturbateur endocrinien. C'est à quel moment que tu t'es intéressée au sujet? Ah, bah c'est vraiment quand on a cherché, puisque je suis tombée quand même très gravement malade, moi en août 2016, hein, j'ai failli décéder à Oui. plusieurs reprises sur ce mois-là, D'accord. Ah parce oui. qu'il a fallu trouver bah, une solution pour me réalimenter, je crée des amalgames alimentaires, etc., etc. Donc, D'accord. quand tu commences à évincer en fait tout, hein, parce que j'avais 197 aliments à évincer sur 350, donc Ah oui, c'était quand vraiment, même. ça a été une révolution. Et donc, on a fait D'accord. pareil pour tous les produits de beauté. Donc, j'ai D'accord. Ah vraiment oui. tout arrêté du jour au lendemain pour après bah, D'accord. avoir une perception corporelle. Et on a fait petit à petit et l'alimentation et les produits de beauté. Et c'est là que j'ai vu où, en fait, bah, certaines douleurs, d'ailleurs articulaires, musculaires, venaient des produits, eh bien, que tu utilises, même en très faible quantité, hein, parce que, Oui. évidemment, nous, en tant que Françaises, on n'est pas comme les Japonaises, hein, où elles ont des rituels de beauté, où elles mettent plusieurs crèmes Oui, tout ce qui est layering, superposées. Voilà, etc., exactement. superposition de Hein, couches, voilà. oui, qui a Nous, on essayé de est. venir un petit peu en France aussi comme tendance, mais c'est vrai qu'on y est Exactement, mais bon, plus frileux. voilà, on est plus quand même, on va dire, rationnel, raisonné quand même. Hein. Voilà, on va mettre une petite crème de jour, un petit fond de teint, et puis voilà quoi. Et donc, du coup, On aura une voilà. question sur ça dans notre quiz vrai-faux sur le nombre de produits C'est fera vrai? deviner des Françaises, oui. J'ai le chiffre a priori. Ah, bah, D'accord, donc du ça coup. m'intéresse. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est le fait, eh bien, d'avoir des soucis pareils, musculaires, articulaires. Hein. Donc c'est vrai que c'est aussi bah, interpeller tes auditeurs à ce sujet parce que souvent, eh bien, moi j'ai eu cette errance médicale alors qu'en fait, eh bien, c'était Ah juste oui. des problèmes de crème hydratante. Donc c'est vraiment, on est à des années-lumière, évidemment, de chercher ce genre de choses. Hein. Donc, Donc ta technique, ça a été d'arrêter tout ce que tu prenais à l'instant T exactement, et de ouais. repartir sur des Et de produits plus remettre, simples et en exactement. décortiquant un peu les formules, etc. Exactement, ouais, Ouais, produit par produit. d'accord. C'est aussi ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui a l'impression de faire des allergies, par exemple, sans savoir exactement quelle est la source. Ça peut aussi Exactement, être la ouais, tout à technique. fait, tout à On a fait. une intervention d'Esther. Salut Bonjour Esther! à toutes les deux. J'avais une petite question. Est-ce que vous pouvez redéfinir ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Parce que je suis pas sûre d'avoir la bonne définition en tête. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme il s'agit de la première même des questions du quiz, Esther, dans un instant, tu vas avoir vraiment la précision, mais on peut juste, pour donner un petit indice, enfin, tu as le mot perturbateur qui montre qu'il va y avoir une modification de fonction un peu classique du corps et tout ce qui est le mot endocrinien, ça fait référence à tout ton système hormonal. Voilà, pour déjà quand même te resituer. Et du coup, j'ai toujours deux questions un peu type que j'aime Oui, bien bien poser sûr, avec dans plaisir. Beauté Imaginée. Est-ce que tu pourrais nous raconter une grosse erreur que tu aurais faite peut-être avec un produit de beauté mal utilisé? Bon, c'est une question un peu plus légère que ce sujet qui peut être assez lourd pour toi, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a peut-être voilà, une gaffe que tu as faite en cosmétique et qui peut être Oh, rigolote, disons. j'ai utilisé à une période beaucoup de henné. J'aimais D'accord. bien faire, voilà, me teindre les cheveux au henné. Alors, c'était toujours une grande D'accord. aventure, le henné, Ouais. surtout quand tu as les cheveux longs, parce que tu es obligé d'en mettre beaucoup. Ça pèse beaucoup D'accord. sur la tête, et donc tu es obligé de porter Ah. ça très longtemps, et après, il faut le rincer. Alors, ça, c'est D'accord. vraiment, vraiment pas la bonne idée du siècle. Et D'accord. en fin de compte, bah, ça fait pas une coloration exceptionnelle, hein. Donc c'est pareil, Ah, c'est un peu une d'accord. idée reçue sur le henné. Oui, on peut se colorer les Oui. cheveux, mais Ah c'est ouais. pas voilà, et c'est pas du tout évident quand on a les cheveux longs, parce que moi j'ai les cheveux dans le milieu du dos. D'accord. Donc là, c'est Ah ouais. catastrophique parce que ça pèse le poids d'un âne mort, donc t'as mal à la D'accord. tête et ça sert Oui, pas donc grand-chose. pas Voilà, donc idéal. ça, Ah oui, parce qu'il voilà. faut vraiment le laisser poser Bah, je un le gros, laissais un long moment. poser. Ah bah ouais, tu le laisses 3-4 heures hein, pour que ça colore. Donc par contre, je faisais cuivré, mais comme je suis très brune, ça faisait des petits reflets. Mais alors, rapport qualité-temps, efficacité, Oui. c'était quasiment Pas nul. Hein. Donc optimal, d'accord. voilà, donc ça, Ouais. c'est pas du tout une bonne idée que j'ai eue de faire ça, D'accord, quoi. à noter. C'est vrai que j'ai jamais essayé, mais on associe un côté un peu authentique, naturel au henné, mais il y a des inconvénients aussi. Alors, Oui, tout à fait, oui, largement. on a Iloxi qui intervient. Bonjour Iloxi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cosmétique avec Alice et Sophie Vergès. C'est parti! Bonsoir Eloxy, n'hésite pas Bonsoir, ensuite Lucie. à intervenir dans notre quiz vrai-faux, à tester tes connaissances avec nous. Alors du coup, autre question pour toi Sophie, quel serait Oui. là aujourd'hui ton produit de beauté incontournable? Tu en as évoqué plusieurs et celui que tu ne veux pas oublier quand tu pars en déplacement. Oh, c'est le masque Elseve que j'utilise D'accord. maintenant quand même depuis des années parce que vraiment ça te permet bah, de pouvoir pousser tes cheveux, donc de ne pas les couper. Donc D'accord. vraiment ça c'est top, c'est un très bon masque. Alors que j'achète malheureusement sur Amazon parce que L'Oréal ne le vend pas tout le temps dans les Ah, grandes d'accord. surfaces. C'est le fameux masque orange et même le shampoing orange, on le trouve même plus. Donc il y a des périodes comme D'accord. ça où L'Oréal va le vendre et ça c'est vraiment top. Et ça te permet bah, de faire pousser tes cheveux vraiment vite. Donc ça c'est D'accord. vraiment le masque. Voilà. Ah Une ouais. fois par OK. semaine, c'est un rendez-vous que je ne manque pas. D'accord, je vous. Alors, nous passons, chers auditeurs, à notre rubrique Les auditeurs t'imaginent. Donc, en l'occurrence, Sophie, on va demander à nos auditeurs de deviner éventuellement ton âge, s'ils ont eu quelques indices et quelles impressions Ah oui, c'est vrai, je ils n'ai pas ont. dit. Ah oui, c'est bien, comme ça on va voir ce que tu leur as inspiré. Toi, en général, on te donne plus que ton âge ou moins que ton âge dans la Ah, vie? moins que mon âge, moins que mon âge. Ouais, D'accord. beaucoup moins que mon âge. Hein. Parfois, ça en devient un peu ridicule. Ah bon? Oui, c'est vrai, parce D'accord. que voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, beaucoup moins que mon âge. Donc, bon, voilà. Non, c'est plutôt flatteur, même si c'est parfois Voilà, oui, ridicule c'est alors. plutôt flatteur, mais ça me fait un peu bizarre quand même. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, on va voir ce qu'en pense Juliette. Salut Juliette. Alors, de base, j'aurais dit 40 ans, mais comme Sophie a dit qu'elle se coupait les cheveux depuis 30 ans, je crois, Ah oui, bon j'imagine indice. qu'elle a pas commencé à se couper les cheveux à 10 ans, donc je me dis, bah, peut-être 50 ans du coup, si elle a commencé à se couper Ah! les cheveux vers 20 ans. Beau Bravo calcul Juliette, mental, elle est pas Juliette. loin. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais donné un indice. Oui, mais c'est ça qui est rigolo, c'est comme ça les auditeurs décortiquent. On a Esther aussi qui Alors a essayé moi, de vu qu'elle deviner. a dit qu'elle était encore dans la vie active, J'aurais dit 35 ans, je pense. Alors là, tu aurais commencé à te couper les cheveux à 5 ans. Donc, Esther a un peu moins bien entendu cet Alors indice-là. c'est vrai qu'il y avait les malheurs de Sophie, hein, où Sophie se coupait les cheveux, les cils elle-même, Ah hein, oui. donc Oh la là là, comtesse de oui. Sévigné. Donc c'est peut-être ça aussi. Ah ouais, ça peut. Il y a Si on peut-être a la ce. fibre, on peut commencer très tôt. Et on a une autre Sophie qui participe. Salut Moi, Sophie. j'aurais dit 50 ans. Ok. Ah Et bah, on on n'est a pas loin. Mich Ben. Du coup, je Salut me Mich lance. Ben. Bonsoir Sophie, bonsoir Alice. Je me suis permis de Bonsoir. regarder, fouiner pour avoir essayé d'avoir un peu d'éléments sur votre âge, D'accord. Sophie. Ah. Je pense, comme ça, à vue d'œil et à vol d'oiseau, je dirais 43 ans. Ouais, 43 ans, je dirais. C'est Je sais précis, pas. c'est précis. Donc j'espère que Ah j'ai oui, visé dans le mille. suspense, Et suspense. voilà. Merci, Miss C'est Ben. sympa. Alors, dis-nous tout, Sophie. Eh bien, j'ai 49 ans. 49 ans. J'ai Donc, nous 49 ans. avons, finalement, je pense que c'est Sophie qui était. Sophie et Juliette aussi, qui ont deviné au plus Bravo, proche. bravo, Si... bravo. Ouais, bravo. Et Bravo, bravo. une autre information qu'on pourrait faire deviner, c'est le temps que tu passes dans ta salle de bain le matin. Donc, chers auditeurs, Oui. dites-nous, au vu de ce que Sophie nous a raconté, donc on voit que, bon, se couper les cheveux, ça, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus. Donc, ça sera pas pris en compte dans le temps passé dans la salle de bain. Oui, bien Mais sûr. voilà, quel est le temps, avec tout compris, à savoir, enfin, se laver, s'appliquer les quelques produits que tu as cités, etc. Est-ce que nos auditeurs ont une estimation à nous proposer. On va voir si quelqu'un se lance. Allez, on écoute. Alors, là, je réfléchis à s'il y a eu beaucoup d'indices. Bon, on a vu que tu aimais des formulations simples, mais ça ne veut pas dire que c'est rapide à appliquer par ailleurs. Donc, on va voir. Ah, Juliette Moi, intervient. j'aurais dit 20 minutes. Ouais, 20 minutes, genre un peu en dessous de la moyenne, peut-être. Justement, parce que Sophie ne peut pas mettre certains maquillages, tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a certains trucs qu'elle ne fait pas. Alors, 20 minutes pour Juliette. Qu'en pense Bien. Sophie? Alors, moi, je partirais sur 30 minutes. D'accord. Et Miss Alors, je Ben? me relance pour la deuxième fois. J'espère avoir de la chance cette fois-ci. Je dirais qu'elle reste approximativement entre 75 et 180 minutes. Voilà. Oh, c'est beaucoup ça. Ah oui, là il faut prévoir le temps, hein. Ouais, ok. Et Esther? J'aurais dit 30 minutes, voire même 35 minutes à peu près. D'accord. Alors, Sophie, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, en effet, oui, ça fait à peu près 20-30 minutes. En effet, tout à fait. D'accord. Tout à Donc, fait. Hein. Je me lève à c'est. 6h15, Ouais, voilà, vers d'accord. 7h moins le quart, je vais manger. Et puis 7h20, et ben ça y est, c'est prêt. Hein. Tu peux Donc, partir. voilà. Oui. Oui, c'est ça. À peu près 20 minutes, une demi-heure. Bravo. Bravo à D'accord, vous. ouais. Bravo. Bon, Mich Ben, c'était un petit Bravo. peu surestimé du coup, mais il t'a vu comme étant très coquette à passer voilà, plus d'une heure À dans lisser ta les salle de cheveux. bain. C'est ça. Tous les matins, tu réégalises les pointes peut-être, oui, qui sait. Et du coup, est-ce que pendant que je poste ta photo mystérieuse sur Instagram, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, tes hobbies? Je sais que tu es assez active aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis responsable juridique. Je travaille pour un aménageur foncier en Île-de-France et nous construisons des parcs D'accord. d'activités en Essonne sur le 91, parcs d'activités, bureaux et commerces. Voilà. Et je suis très présente D'accord. sur les réseaux sociaux, en effet, puisque je crée des contenus vidéo, groupes Facebook, live et des podcasts aussi. Sur mes D'accord. différents réseaux sociaux, donc Instagram, bien sûr, Facebook, TikTok. Et j'ai D'accord. monté quelques podcasts là. Aujourd'hui, d'ailleurs, hein, je me suis Ah lancée. oui? Exactement. D'accord. J'en ai fait une C'est dizaine, la journée donc podcast aujourd'hui. c'est la journée podcast et j'en referai demain parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai passé les 10 000 abonnés cette semaine sur Oh. TikTok. Et donc, Ah ouais. oui. Donc, il y a beaucoup de demandes C'est sur. Sophie Vergès aussi Exactement, ton oui, tout pseudo à fait. dessus? Oui, D'accord. tout est Sophie Vergès Et voilà, donc oui, il y avait de la demande du podcast et voilà, je me suis lancée. D'accord. Voilà, donc c'est très modeste hein, pour Sur l'instant. l'immobilier toujours, c'est ça? C'est Sur vraiment ta l'investissement passion en plus. immobilier, Ouais, exactement, d'accord. l'acquisition immobilière. Donc je crée du contenu pédagogique, évidemment. Hein. J'essaye au mieux d'expliquer, d'inciter les gens à investir, à devenir propriétaires. Et je les D'accord. accompagne bah, sur mon temps de loisir, entre guillemets, lorsque je ne travaille Oui. pas. D'accord. Donc je fais la matinale de l'immobilier tous les jours sur TikTok de 7h30 à 9h30. Donc je passe D'accord. 1h45, 2h. Je fais un live sur le groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin le samedi à 18h. Ensuite, je D'accord. passe sur Clubhouse de 18h30 à 19h30. D'accord. Donc Ah voilà, ouais, donc j'ai fait bien à peu occupé. près voilà, ouais, tous les contenus, différents contenus, différents sujets. Voilà, sur je brosse tout D'accord. le secteur de l'immobilier, je mets le pied à l'étrier pour celles et ceux qui veulent se reconvertir aussi, évidemment, à l'immobilier. D'accord. Eh ben, je comprends pourquoi tu te réveilles à 6 heures alors, C'est avec mieux, tout ça à faire derrière. On a des réactions donc, de Miss En Ben plus, et je pensais que Juliette. j'étais en dessous de la moyenne, hein, mais non, effectivement, Ah. j'étais loin de là. Petite question pour Sophie. Miss Ben. Toi qui viens du 93, que Oui. penses-tu du 93 par rapport à ce que disent les médias? Est-ce qu'il fait bon vivre? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah bon, on Ah, s'éloigne un intéressant, peu du Miss Ben. sujet, mais. On s'éloigne du sujet. Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça, D'accord. parce que ça rejoint, on pourrait le rejoindre justement à la beauté aussi, ce D'accord. sujet, surtout sur le 93, hein, puisque je dirais évidemment, c'est un secteur, alors pas toutes les villes hein, de Seine-Saint-Denis, bien sûr, il fait bon vivre, hein, puisque moi, ça fait 49 ans que j'y suis, on est à la cinquième génération. Qui habite le 93 dans la famille, hein. Donc nous sommes D'accord, vraiment ouais. issus du 93, on y vit, on y travaille. Donc voilà. Mais c'est vrai que justement, eh bien, tu ne peux pas sortir habillé comme tu le souhaites, apprêté comme tu le souhaites, hein. Ah. Tu es un peu obligé, entre guillemets, de te cacher, hein, pour éviter les regards, pour éviter les agressions, les insultes, les harcèlements, etc. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'était un petit peu l'interrogation aussi de Mich Ben, Ah mais oui. voilà, il y a aussi ce petit côté bah, qu'il ne faut pas oublier parce que bah, on ne sort pas voilà, comme on veut, ou même les couleurs, Oui. parce que voilà, donc il y a. Il y a ce côté, évidemment, qu'il faut Oui, on faire peut un peu très attention. s'auto-censurer pour rester Exactement, en oui, tout à sécurité, fait. quoi. Exactement, Ouais. exactement. Que ce soit dans le 93 ou en la Ou banlieue en dans général, beaucoup, hein, tout à fait, dans ouais. beaucoup. C'est une problématique assez, ouais, assez Assez courante, récurrente malheureusement, qu'on en France. retrouve, Voilà, c'est mais ça. ouais, mais c'est vrai Oui, que tu le ça joue, ressens. ouais, ça joue, il faut faire très attention, évidemment. À Ouais. ne pas choquer ses susceptibilités, puisqu'on vit aussi bah, avec des populations différentes, de différentes cultures, de différentes religions. Hein. Donc, je dirais, il y a une certaine tenue, un certain protocole à avoir, et ça joue aussi, bien sûr, sur les soins de beauté ou Oui, sur les vêtements qu'on peut c'est porter, tout vrai. à fait. Les choix de couleurs en maquillage, etc. On a Exactement. Juliette qui veut Je intervenir aussi. confirme, tu as l'air de faire plus jeune que ton âge, Sophie. Ah, Juliette, du coup, est allée voir sur Instagram de Beauté Imaginée la photo mystérieuse que tu nous as dévoilée ce soir. Et Miss Ben Merci d'avoir réagit à pris le nouveau. temps de répondre. Merci Sophie, merci Ah Alice. ben, Je ne vais avec plus vous plaisir, embêter. avec plaisir, Désolé Miss Ben. pour mes interruptions et mes petites questions qui coupent un peu votre live. En tout cas, bon live à vous et peut-être à très bientôt. À bientôt, ciao. Merci beaucoup, Mich Ben, mais avec plaisir, Merci, hein. Miss Toutes les Ben. Et oui, tout questions à sont fait. bonnes, hein, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Et du coup, nous allons passer à notre rubrique Les 3 belles minutes scientifiques. Donc, la dernière fois, lors du live sur le maquillage et la pression sociale, ça peut un peu rentrer dans ce dont on vient de parler. Mon invitée Camille m'a proposé de faire un point sur l'eczéma. Toi, je ne sais pas si tu y es sujette, Sophie. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc Non, pas voilà, du tout. pour faire un petit rappel sur ce que c'est une inflammation de la peau, ce n'est pas contagieux et ça s'accompagne souvent de rougeurs, de peaux qui pèlent, de démangeaisons. On peut en développer très tôt dans la vie, même les nourrissons peuvent en avoir aussi. Et les personnes qui y sont sujettes connaissent des périodes de poussée d'eczéma, durant lesquelles les symptômes vont s'aggraver, puis des périodes de calme, heureusement. Et c'est en fait une pathologie dont on ne connaît pas l'exacte source. Il y a quand même plusieurs causes qui semblent la déclencher, mais c'est ce qui est assez difficile. Bah, un peu comme, du coup, s'il y a un lien avec ton parcours du combattant dont tu nous parlais, le fait de chercher vraiment la cause d'un mal-être, d'un problème qu'on ressent. Bon, au niveau de l'eczéma, on a voilà, un terrain génétique souvent, mais il y aurait aussi des facteurs environnementaux comme le stress et bien sûr la présence d'irritants chimiques dans nos cosmétiques, dans la lessive également. D'accord, ouais, oui. Donc, bon, le mieux, c'est toujours voilà, de consulter un médecin, un dermatologue par exemple, Bien pour sûr, oui. essayer de trouver la cause de tout ça. Et c'est parti maintenant pour tester tes connaissances et celles des auditeurs en matière de perturbateurs pardon, endocriniens dans les cosmétiques. Donc, j'ai 8 questions à te soumettre. Quel score tu vises, toi, ce soir? Eh oui. Oh là là là. Sur 8 questions, tu espères obtenir quelle note? Allez, 5-6. D'accord, on va voir ce que ça donne. Chers auditeurs, hein, on attend vos réponses aussi. C'est le moment d'échanger, de se lancer. Alors, première question un peu large pour aborder ce sujet des perturbateurs endocriniens. Au niveau du corps, ils fonctionnent avec des hormones. Les hormones, ce sont des molécules sécrétées par différents organes et qui s'accrochent ensuite à des récepteurs qui les reconnaissent sur d'autres organes. Vrai ou faux, Sophie, selon toi? Ben oui, je dirais vrai. Pour toi, ça te semble être la bonne définition des hormones, du coup, je répète, molécules sécrétées par différents organes qui s'accrochent ensuite à des récepteurs qui les reconnaissent sur d'autres organes. Est-ce que nos auditeurs sont inspirés par cette question? On C'est une va question voir si compliquée, quelqu'un hein? se lance. Oui, c'est Ouais. assez pointu, mais c'est pour commencer, pour bien cibler, bien remettre le contexte des hormones et expliquer un peu avant de passer aux perturbateurs endocriniens. Que pense Je m'y Juliette? connais pas trop, mais ça me semble correct. Ça sonne bien. Et Esther? J'aurais dit vrai aussi. Donc, bravo à toutes les trois, c'est en effet vrai. Donc, c'était pour bien remettre le contexte des hormones, puisque les perturbateurs endocriniens vont être liés aux hormones du corps. Donc, c'est la façon en fait dont les organes communiquent entre eux finalement. On a plusieurs organes qui sécrètent des hormones, comme le pancréas, la thyroïde, du coup, évidemment, le cerveau avec l'hypophyse et l'hypothalamus, et les ovaires et les testicules. Donc, par exemple, pour le cycle menstruel des femmes, on va avoir au niveau de la seconde partie du cycle, la progestérone qui va être davantage sécrétée et qui permet à l'utérus de se préparer à une grossesse en fait. Et d'ailleurs, au niveau rapport à la peau, le fait enfin, d'avoir plus de progestérone à cette période du cycle, ça va augmenter la production de sébum. On passe du coup à notre deuxième affirmation. Donc, pour l'instant, c'est parfait. La définition d'un perturbateur endocrinien, c'est Esther qui nous posait la question tout à l'heure. Tout à Il fait, oui. s'agit d'une substance exogène ou d'un mélange qui altère les fonctions du système endocrinien et cause un effet néfaste sur la santé d'un individu, voire sur sa descendance. Vrai Oui, ou tout faux, à fait. Sophie, selon Oui, toi? tout à fait. Oui, tout Donc, à toi, fait. c'est sans hésitation, ça te semble vrai. Est-ce que Exactement. quelqu'un a un autre avis ou pense la même chose? On va attendre quelques instants. Donc là, on s'intéresse à la définition d'un perturbateur endocrinien dans notre quiz vrai-faux de beauté imaginée. Je Et dirais qu'en vrai pense vu qu'il y a les Juliette? mots. Bah du coup vu que c'est perturbateur, il y a les mots néfastes et je me rappelle plus, mais il y avait que des mots négatifs. Oui, c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas beaucoup d'avantages à un perturbateur endocrinien. Et donc, bravo, c'est vrai également. Donc, en fait, le système endocrinien regroupe tous les organes qui sécrètent des hormones, on l'a dit. Il libère des hormones dans le sang pour agir à distance sur certaines fonctions de l'organisme. Et si une molécule qui provient de l'extérieur est repérée par le corps comme étant une hormone alors qu'elle ne l'est pas, le message est alors perturbé. Le corps va réagir d'une mauvaise façon, comme s'il s'agissait d'une hormone naturelle produite par le corps. C'est tout le problème. du perturbateur endocrinien. Et au niveau des critères pour l'identifier, selon l'OMS, il y a trois critères, trois conditions pour qu'on parle de perturbateurs endocriniens. C'est le fait que ça ait des effets néfastes sur la santé, le fait que cela altère une des fonctions du système endocrinien, donc de tout le système hormonal, etc. Et qu'il y a un lien entre ces deux constats, que ce lien soit biologiquement plausible. Voilà, pour info, maintenant, on sait de quoi il s'agit. Ah, on a Esther qui J'aurais s'était dit aussi vrai essayée. aussi, je pense que c'est ça. Bah, et bah, c'était ça, Esther. Bravo, bravo. Alors, Bravo du coup, Esther. troisième question, la pénétration systémique. Est-ce que tu as déjà entendu ce terme, Sophie? Pas du tout. Alors, est-ce que selon toi, ça pourrait être le fait que les molécules s'évaporent systématiquement dans l'air qui entoure la peau une fois qu'elles ont été en contact avec la peau? La pénétration systémique. Non, là, je ne saurais pas dire. Je dirais non, mais... Tu penses que ce n'est pas le cas? Eh bien, est-ce que nos auditeurs ont le même avis? Je répète, la pénétration systémique serait le fait que les molécules s'évaporent systématiquement dans l'air qui entoure la peau une fois qu'elles sont en contact avec la peau. Alors, je crois que quelqu'un veut se lancer, Sophie. Alors que j'avoue que c'est... J'ai pas vraiment d'idée, mais bon, j'aurais dit faux. Oui, bon, c'est un mot un peu complexe. Bon, bravo à toutes les deux, c'est faux. Donc, en fait, il s'agit à l'inverse du fait, la pénétration, c'est le fait que ça pénètre la peau et que les molécules qu'on s'applique vont certes pénétrer l'épiderme, puisque l'objectif d'un cosmétique, c'est d'avoir un aspect visible sur la peau, mais en fait, elles vont même pénétrer plus en profondeur les deux couches inférieures de la peau et même être retrouvées dans le sang. Dans le sang, C'est ouais, pour c'est ça ça. que, ouais, et c'est pour ça que ce n'est pas anodin, Bien enfin, sûr. l'utilisation d'un Ouais. produit cosmétique et que, il y a de plus en plus de règles aussi pour encadrer leur formulation. Donc, pour l'instant, nous sommes à 3 sur 8. Sophie, tu vises le Bon. 5-6, donc tu es en bonne voie. Quatrième affirmation. Les connaissances en matière de perturbateurs endocriniens sont maîtrisées depuis maintenant plusieurs années. Vrai ou faux, Sophie? Alors, les connaissances pour nous en tant que consommateurs ou les connaissances en tant Dans le que... milieu scientifique, de façon globale, maintenant on sait tout des perturbateurs endocriniens, on a une bonne documentation, voilà, si on Oh veut ben se je renseigner, pense, oui, oh je pense quand même, oui, qu'on tout a est une bonne étudié, connaissance. etc. Alors tout peut-être D'accord. pas, mais je pense qu'il y a quand même une bonne connaissance sur les différents produits, d'autant plus qu'il y a une application du FC Que Choisir, hein, justement, avec un glossaire qui est l'application Quelle cosmétique. Donc je pense, oui, qu'on a une Qu'on a meilleure tous les connaissance. éléments. Oui, je pense, je dirais oui. Alors, toi, tu penses que c'est vrai? Oui, Qu'en pense moi Julienne? je Je dirais dirais oui. que c'est faux, qu'il nous manque encore des infos. D'accord. Qu'en pense Moi j'aurais dit Esther? non, je pense pas qu'on puisse tout connaître encore. Et Sophie? Alors moi j'aurais dit faux, je pense qu'on a de plus en plus de connaissances, mais dire qu'on maîtrise le sujet totalement, je pense pas, j'aurais dit faux. Alors, en effet, désolée Sophie, c'est faux. Nos Ah, auditrices bon. ont bien vu, on s'y connaît de plus en plus. Mais en fait, Ouais. on a encore beaucoup de mal à identifier les substances qui sont réellement des perturbateurs endocriniens. Il y a D'accord, surtout beaucoup de d'accord. molécules qui sont suspectées. Et donc, l'application que tu évoquais va nous alerter sur toutes les molécules suspectées. Mais pour vraiment passer au stade avéré, en fait, on a encore un peu de travail, D'accord, si je puis ok. dire. Ok. Voilà, mais il y a du coup beaucoup de suspicions. Ce qui est difficile, c'est que les effets peuvent arriver un long moment après l'exposition. Donc Mais apparemment, c'est oui, ça bien qui sûr, ouais. complique la tâche aux scientifiques. Bon, Mais première oui, erreur, parce que mais encore ça des peut possibilités. sauter une génération pour des En malformations, plus, peut-être, exactement, tout des à fait. Donc cancers, oui, la il faut un sacré stérilité. recul. Oui, D'accord, ok, dans ce sens-là. tout Ok. à fait. Je Alors, nous comprends. passons à notre cinquième affirmation dans notre quiz vrai-faux de beauté imaginée sur les perturbateurs endocriniens. L'effet cocktail des perturbateurs endocriniens, c'est le fait que si on utilise trois produits cosmétiques, on triple en fait la quantité de perturbateurs endocriniens éventuellement présents dans ces cosmétiques. Vrai ou faux, Sophie? Les cocktails, est-ce qu'on triple? Alors voilà, ça serait l'effet cocktail, c'est que en appliquant trois produits cosmétiques, on va du coup tripler les effets des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans ces produits. Alors, tripler les effets, non, je ne pense pas. Ça va peut-être aggraver les effets dans le sens où, bah, si tu mets un dentifrice, une crème, et si tu as, je ne sais pas, du triclosan à chaque fois, bah, ça va augmenter la dose. Mais est-ce que ça triple les effets? Non, je ne pense pas. Je dirais D'accord. non. A priori, tu dirais que c'est faux. Je Juliette, qu'en pense penses-tu? vrai. Je pense que c'est pas terrible d'utiliser plusieurs produits cosmétiques. Même toi, Alice, t'en avais parlé à un de tes premiers podcasts. T'avais dit que c'était mauvais pour la peau. Donc je me dis, ça doit être. Je sais plus si c'était vrai ou faux, mais voilà, ça doit être mauvais. Bonne mémoire, Juliette. Alors, en effet, c'est faux. Maintenant, c'est même plus vicieux que ça. L'effet cocktail, cette appellation-là, c'est le fait qu'une molécule ne provoque peut-être quasiment rien quand on s'y expose seul, mais qu'une fois associée à une autre, l'effet négatif peut être multiplié par 100, par exemple. C'est Ouf. exponentiel. Ah Voilà, c'est oui. ça Oh là là. toute la difficulté. Et c'est Oui, le c'est un des encore problèmes pire, ouais. majeurs. Voilà, c'est ça. Donc, c'était bien faux, D'accord. mais dans l'autre sens, tu vois, c'est plutôt que le D'accord. fait de faire des surcouches de produits, ça va nous faire aussi des surcouches d'éventuels perturbateurs endocriniens. Et dans ces cas-là, l'effet cocktail est énorme, en Et fait. redoutable, hein. D'accord. Et c'est ça. Et tu évoquais du coup la mode enfin la tendance du layering qui est assez pratiquée en Asie. Et donc, on conseille plutôt d'éviter ce type de pratique, justement, dans ce Ouais. sens. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup connu quand j'ai travaillé aux Galeries Lafayette. J'étais au rayon D'accord. cosmétique et je voyais beaucoup les jeunes femmes Ah. asiatiques s'enduire de différents sérums, crèmes, huiles. Ah oui. Alors, c'est vrai D'accord. qu'elles étaient très, très bonnes clientes sur tous les rayons, Ah mais oui, côté commercial, évidemment, on est ravis. voilà, le côté Mais commercial, on est ravis. Mais c'est vrai que moi, voilà, je niveau voyais passer santé, cette oui, jeune bon. femme et c'est vrai que j'étais quand même très inquiète à Ouais, les bon. voir. Voilà, je me disais, oulala, Oui, elles sont il grandes faut. consommatrices, quoi, oui. Ah, c'est sûr. Oui, on parle toujours, enfin, dans la vie, on dit souvent que ce qui compte, c'est la modération, ben, en cosmétique également. Ouais, plus que Et alors, jamais, ouais. justement. Oui, c'est ça. Selon une étude de 2017, les Françaises utilisent en moyenne 16 produits cosmétiques différents par jour. Qu'est-ce que tu en penses? Vrai ou faux? 16 produits de cosmétiques par jour. Alors, je sais pas, Produits de crème de beauté, donc jour, fond de teint, rouge à dentifrice lèvres, aussi, gel shampoing, douche. dentifrice. Ah oui, gel douche. 16... Ouais, oui. Allez, oui. Tu Mais pour penses le que 16, ça corps, te semble oui, un ça me montant semble, ouais, cohérent? ça me semble un bon chiffre. Oui. Allez, oui. D'accord. Alors, qu'en pense Sonia? Hop, salut vous les filles. Ben Oui. voilà, je laisse un petit vocal. Je devais faire un live pour en parler, mais j'ai eu des petits problèmes, donc je l'ai pas fait. C'était juste pour dire que là, je travaillais pour une entreprise de vente à domicile qui s'appelle Stanome et qui vend Ah, des bien sûr. cosmétiques, justement, Oui. des produits d'entretien, maquillage et autres produits adaptés à tout type de peau, que ce soit pour le psoriasis, l'eczéma, etc. Et sans D'accord. perturbateurs endocriniens, justement. Puisque c'est D'accord. élaboré avec des produits d'origine naturelle par les laboratoires Yves Rocher, donc des laboratoires qui sont connus pour justement mettre le moins de perturbateurs endocriniens, voire plus du tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vais faire un live la semaine prochaine pour parler de cette entreprise parce que je cherche des personnes qui souhaiteraient adhérer à mon équipe ou des futurs clients. Merci! Merci Sonia de Très ton bonne info. intervention. Très bonne info, bien sûr. Ouais. Stanome est une produit, est une société reconnue en effet. Donc, du coup, Très bonne info. on ouais, c'est on écoutera ton live la semaine prochaine. Et du coup, au niveau de notre affirmation, on se demandait si les Françaises utilisaient en moyenne 16 produits Voilà, cosmétiques 16 différents par produits. jour. Toi, tu penses que c'est vrai? Est-ce que Juliette est Alors, d'accord? 16, je trouve ça assez énorme, je dirais faux. D'accord. Qu'en pense Je pense Esther? que 16, c'est quand même excessif. Après, si ça se trouve, j'en utilise vraiment pas beaucoup, mais oh, j'aurais dit me faux. D'accord, faux. Juliette, Finalement, à ouais, nouveau. je dis vrai pour 16, parce que j'ai calculé avec tous les maquillages, les shampoings, les crèmes et tout. Ouais, désolée, finalement, oui. Ah, et je vois que Julie, nous notez mon avons. avis alors. Ah, ouais. Et nous avons un auditeur qui nous rejoint. Je vais t'appeler Maïgro cette fois-ci. Salut Vous Maïgro. savez quoi? Non? Vous attendez quoi là? Vous attendez une réponse? Just Ah oui. absolutely. D'accord, merci pour cette petite prestation Cette vocalise. vocale, artistique. Voilà, cette vocalise. Alors, du coup, suspense, en effet, bravo. C'est bien 16 produits cosmétiques différents par jour qui sont utilisés par les Françaises et Ah, c'est même énorme, hein. 18 pour les femmes enceintes, pour info. Donc, c'est même supérieur. C'est vrai que Ah c'est oui. énorme, hein. Ouais, c'est énorme. Apparemment, donc c'est une étude qui a été commanditée par le gouvernement. Et les impressions, entre guillemets, c'était plutôt qu'on était à une dizaine, et en fait, on est à 16, voilà. Donc, D'accord. ça a Bon. été, il y a 20 000 femmes qui ont été étudiées, donc c'est Ouais, une oui, étude c'est une belle étude, conséquente. ouais, bien C'est sûr. ça, ça semble plutôt révélateur, du coup. Ah Maïgro, ouais, à nouveau, je vais 16. peut-être Ah chanter. Eh ouais, ouais, c'est 16. énorme. Toi, Comme. combien tu en utilises, Maïgro? Dis-nous. Tu peux le dire en chanson, hein, si tu veux. Alors, septième affirmation. Pour une molécule qui agit comme un perturbateur endocrinien, plus on l'applique en grande quantité sur la peau et plus l'effet indésirable est fort. Vrai Oui. ou Ah faux? bah oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait que pour une molécule qui agit comme un perturbateur endocrinien, plus on l'applique en grande quantité sur la peau et plus l'effet indésirable est fort? Je le Ah, vis pour ma part. ça. En tout cas, c'est fort pour ma D'accord. part. Avec Tu la as fait, tu en as sensibilité, fait voilà, l'expérience. d'hypothyroïdienne, voilà. Ouais, moi, j'en fais Oui. l'expérience au quotidien, donc. En tout Pour cas, ma pour part, c'est oui. les produits que tu as testés, est-ce que c'est le cas pour tous? Bon, je crois que là, personne n'ose se risquer. Alors, figure-toi que c'est faux. J'ai appris que D'accord. certaines hormones, apparemment, c'est pour certaines, hein, auraient un impact plutôt en cas de faible dosage répété, plutôt qu'en cas d'une énorme quantité. Donc, c'est D'accord. encore un petit paradoxe, enfin, qui va un peu Bien à sûr. l'encontre, du bon sens, si je puis dire. Ouais. Voilà, pour les perturbateurs endocriniens, parfois même le fait d'être voilà, en contact avec une petite dose, ça pourrait suffire à créer un effet un peu néfaste, malheureusement. Est-ce que Juliette D'accord. Je avait pense dit que c'est juste? vrai. Je pense que ça se fait crescendo. Genre, tu peux l'avoir à un faible degré comme un fort degré. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est vrai que spontanément, c'est aussi ce que j'aurais répondu à votre place, mais non, malheureusement. C'est une des complexités encore de ce sujet. Ah, Maïgro? Je n'utilise pas beaucoup de produits. Mais super, oui. Hormis pour enlever les gros zizi. Ok. Ah, belle Ça, c'est improvisation. super. Merci, Maïgro. Et nous avons donc notre dernière affirmation. Donc là, pour l'instant, tu as seulement deux fautes. Donc tu es à 5 sur 7. Donc tu as déjà obtenu ton objectif. On va voir si tu Bon. obtiens la note de 6 sur 8. Il y a Allez. 906 substances dans la liste officielle française des perturbateurs endocriniens. Vrai ou faux selon toi? Je dirais oui. Tu penses que c'est vrai? Est-ce que Ouais. quelqu'un veut Oui, je se dirais oui. Je lancer? pense qu'il y en a 906 beaucoup, beaucoup, ouais. substances. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, est-ce que Sophie est du même avis? Alors, totalement au hasard, moi j'aurais dit faux, je me dis qu'il y en aurait beaucoup plus. Beaucoup plus. D'accord, Je Juliette. dirais oui. Je sais pas si j'ai bien suivi, mais je crois que Sophie a parlé de 900. Enfin, elle a donné le chiffre 900 tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Ah bon? Ah, Ah non, non, j'ai pas ça souvenir, me non. dit. Est-ce que Ça me dit c'était rien pour non le plus. 93 et Juliette a peut-être entendu Peut-être. d'une oreille distraite et Je Esther? suis d'accord avec Sophie. Je pense que c'est vrai. Eh bien, bravo Sophie, c'était vrai. Tu Ah. obtiens la note du coup de 6 sur 8. Donc, Bon. bon score parce que c'est un sujet assez technique. Et donc, pour ce qui est de ces substances, en fait, ils sont soit avérés, donc ça, c'est quand il y a une probabilité supérieure à 90% qu'ils sont des perturbateurs endocriniens ayant donc tous ces effets néfastes. Quand ils sont juste présumés, c'est que la probabilité est de minimum 66%. Et pour tout ce qui est molécules suspectées d'être un perturbateur endocrinien, c'est à partir de 5% de probabilité. Donc, D'accord. c'est pour ça qu'il y en a quand même un beau paquet, puisque 906, ça me semble assez énorme. Et ils ne concernent pas tous hein, le secteur cosmétique, puisqu'on Bien en parle dans sûr, il y en a partout, l'alimentaire, ouais. tout à fait, même dans les L'environnement, le emballages. jardin, Oui, ah bah oui, ouais, dès qu'on utilise, enfin, que ouais. ce soit les contenants ou les contenus, finalement, il y a beaucoup Exactement, de ouais. substances du coup concernées. On peut avoir la liste officielle des perturbateurs endocriniens suspectés ou avérés sur le site de l'ANSES. Je ne sais pas si je prononce bien, l'ANSES, je pense. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Bon, Donc super, merci voilà, pour l'info, ouais. si ça t'intéresse de creuser sur ce sujet, donc il y a ce site-là. Il y a aussi une interview que j'ai beaucoup aimée d'un scientifique qui s'appelle Cyril Télinge sur Beauty Toaster qui apprend beaucoup à ce sujet. Il y a aussi le site assez engagé de la famille tortue, pardon.fr qui est assez instructif sur ce thème des perturbateurs endocriniens. Bon, très bien, merci Alice, on va aller voir ça, là. Avec plaisir, et c'est bientôt la fin de notre live stéréo beauté imaginée. Chers auditeurs, si vous avez des dernières remarques ou questions, c'est le moment. Sophie, j'espère que tu as appris de nouvelles choses ce soir. Exactement, merci beaucoup. Et ben, merci Exactement. beaucoup de ta participation. J'ai une question pour toi. Demain, donc, je reçois Louis pour parler de son activité de make-up artiste et j'aurai donc une nouvelle minute scientifique à réaliser. Est-ce que tu pourrais nous proposer le thème de demain à ce sujet, soit une réaction de la peau peut-être ou le fonctionnement d'un produit cosmétique que tu voudrais que j'explique? Eh bien, peut-être, oui, une affection cutanée. Oui, oui, D'accord. pourquoi pas, pourquoi pas. Oui, Donc, bien sûr. Bah, l'affection cutanée, je ne sais pas, elle est l'oligothérapie, tu vois. Moi, j'utilise ah oui. le sélénium, par exemple, l'ampoule de sélénium, pour la reconstruction D'accord. cellulaire, et ça marche Ah. très, très bien. Donc, D'accord, t'en es vraiment satisfaite, toi. ah Le sélénium, ouais. savoir un peu comment ça fonctionne, du coup, plus précisément. Exactement, voilà, Ah ouais, exactement. très intéressant. Top, merci. On va écouter les interventions de Et Juliette ça et marche pour Cécile. l'eczéma, justement, hein, le sélénium. Ça Ah, soigne d'accord. l'eczéma. Donc, tu parlais de l'eczéma tout à l'heure. Le sélénium marche très, très, très bien, comme Ah, traitement. d'accord. Bon à savoir aussi, merci. Et nous avons Juliette Merci pour qui veut ce peut-être podcast. clôturer. Merci Alice et merci Sophie. C'était très intéressant. Ça Merci m'a appris des Juliette, merci choses. beaucoup Merci d'avoir Juliette. participé. Merci. Merci Juliette. Très belle soirée. Et on a aussi Cécile. Salut Cécile! À propos des perturbateurs endocriniens, moi je voulais juste simplement ajouter qu'effectivement il y a plein de choses dans les cosmétiques, mais pas forcément des produits qu'on pourrait définir comme dangereux. Parfois même les huiles essentielles peuvent avoir une Ah activité oui, sur nos exactement, hormones. bien Donc sûr. voilà, c'est juste une petite précision pour rajouter un petit peu ma science. Voilà. Merci Merci beaucoup. Cécile. Cécile que je connais et qui est endocrinologue justement. Donc je pense que on pourrait avoir d'autres informations Ah via bah Cécile oui, il y qui a d'autres peut-être sera mon sujets, bien invitée sûr. prochainement. Ouais, ouais, Et ouais. Esther? Merci beaucoup, c'était grave intéressant et j'ai appris plein de choses. Merci Merci Esther. Esther. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait peur à tout le monde, hein. Quand même, ce qui compte, c'est avant tout d'avoir une consommation modérée, je pense, Tout à en fait, termes bien de sûr. cosmétiques, en tout cas, voilà, pour limiter les risques et être un petit peu curieux peut-être de ce qui des nouvelles études, etc. Pourquoi pas pour sa propre santé et tout. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir Merci à tous. accompagnée et répondu, Sophie. Bah, Merci avec à grand tous de plaisir, nous Alice. avoir de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée Sophie ce soir. Si pour mon prochain live, vous aussi, vous voulez être mon invitée comme Sophie, c'est avec plaisir et vous pouvez m'écrire sur mon Instagram, donc beauté imaginée, avec le tiré du 8 entre les deux et sans accent. Et on se retrouve demain à 20h45 pour parler avec Louis, mon prochain invité, de son activité donc de make-up artiste. À bientôt pour un prochain live sur Stéréo de beauté imaginée. Belle Merci soirée beaucoup Alice, à merci à tous. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Bisous, bisous, au revoir. Bisous.